L'univers a environ 13 milliards 800 millions d'années. La Terre en a 4 milliards 500 millions. Et à l'échelle du temps cosmique, la Terre est déjà une planète tardive. Et pourtant, la vie y est apparue très rapidement. En moins de 500 millions d'années, dès que l'eau liquide a été stable, dès que la chimie a été possible, dès que l'énergie a circulé, la vie est apparue. À cette échelle, ce n'était tard, c'était hier. La vie n'a pas hésité. Elle n'a pas attendu des milliards d'années supplémentaires. Elle ne s'est pas fait prier par le hasard. Elle s'est installée presque immédiatement, comme si la matière vivante était une conséquence naturelle quand les conditions sont réunies. Pendant des milliards d'années, la Terre a été vivante sans être consciente des bactéries, des algues, des plantes, des formes simples, puis de plus en plus complexes. La planète respirait, recyclait, évoluait, bien avant qu'un seul être ne se pose des questions. L'intelligence est arrivée extrêmement tard, presque à la toute fin. L'humain moderne existe depuis environ 200 000 ans, l'agriculture depuis 10 000 ans, la révolution industrielle depuis 300 ans, l'électricité, la radio et le pétrole depuis un peu plus d'un siècle, le nucléaire depuis moins de 100 ans, le numérique global depuis quelques décennies et l'intelligence artificielle, la biotechnologie et la modification du climat planétaire sont apparus presque simultanément. À l'échelle de la vie, cette accélération est brutale. À l'échelle de l'univers, elle est fulgurante. Notre cerveau n'a pas changé. Il est toujours celui d'un primate social, conçu pour de petits groupes, pour des conflits locaux, pour des dangers visibles et immédiats. Mais nos outils ont changé d'échelle. Ils agissent sur toute la planète. Ils modifient les océans, l'atmosphère, le vivant, le climat, et produisent des effets qui se mesurent en siècles, parfois en millénaires. Il existe un décalage profond entre ce que nous pouvons faire et ce que nous savons gérer collectivement. L'humanité ne s'autodétruit pas par méchanceté. Elle se met en danger par excès de puissance non maîtrisée. C'est une crise de croissance d'espèces. À l'échelle cosmique, rien n'indique que la vie soit rare. Les éléments du vivant sont ordinaires. Le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, l'azote et l'eau sont partout. Les planètes sont innombrables, milliards par galaxie. Des milliards de galaxies dans l'univers observable. Penser que la vie n'aurait émergé qu'une seule fois, dans un univers aussi vaste et ancien, n'est pas une position prudente. C'est une prétention déguisée, c'est croire que ce qui est arrivé vite, ici ne serait arrivé nulle part ailleurs. La vie, sous toutes ses formes, est probablement commune, microbienne, simple, souterraine, aquatique, invisible. La zone habitable n'est pas une limite absolue, car la vie peut exister sans soleil direct, sous la glace, dans les océans profonds, alimentée par l'énergie interne des planètes. C'est l'intelligence, elle, qui est plus rare. Non parce qu'elle est impossible, mais parce qu'elle exige une suite d'étapes longues et fragiles, une stabilité planétaire durable, un climat relativement constant, une évolution complexe, un cerveau coûteux en énergie, une culture transmissible, et surtout beaucoup de temps. La civilisation technologique est encore plus rare. Elle peut être brève, elle peut s'autodétruire, elle peut rester silencieuse, elle peut disparaître avant d'avoir laissé une trace détectable. Le silence de l'univers n'est pas une preuve d'absence de vie. C'est peut-être le résultat de civilisations qui n'ont pas duré assez longtemps pour être vues, apparues brillantes un instant, puis éteintes. Même à l'échelle des étoiles, tout n'est pas éternel. Le soleil lui-même perd de la masse en permanence, il transforme sa matière en énergie, il rayonne, il souffle, il maigrit lentement, même s'il avale des particules et de la poussière. Un jour, il gonflera non parce qu'il aura mangé, mais parce que son équilibre interne se brisera, il deviendra une géante rouge, engloutira peut-être les planètes internes, puis se dépouillera de ses couches pour finir comme une naine blanche. Les trous noirs eux-mêmes ne sont pas éternels, ils avalent, ils semblent définitifs, mais ils perdent lentement de l'énergie, et à très long terme, quand l'univers sera presque vide, ils s'évaporeront à leur tour. Même ce qui semble avaler le temps finit par être rattrapé par lui. À cette échelle, l'humanité est une étincelle, mais une étincelle consciente. La vraie question n'est pas de savoir si nous sommes seuls, la vraie question est de savoir si une civilisation peut survivre à sa propre accélération. Si l'intelligence apparaît tard, si la puissance apparaît brutalement. Et si la sagesse collective progresse lentement, alors la période la plus dangereuse d'une civilisation est précisément celle que nous vivons. Nous sommes la première génération capable de modifier la planète entière avant d'avoir appris à se gouverner à cette échelle. Cela ne signifie pas que tout est perdu, mais cela signifie que le temps n'est pas infini et que la responsabilité est réelle. Si la vie est commune, si l'intelligence est rare, et si la civilisation durable est encore plus rare, alors chaque civilisation qui atteint ce stade a une valeur immense. Peut-être que l'univers n'est pas silencieux, parce qu'il est vide. Peut-être qu'il est silencieux parce que peu d'espèces apprennent à traverser ce passage critique, et si c'est le cas, alors l'enjeu n'est pas de dominer l'univers, mais simplement de durer. Il y a environ 300 ans, la planète a changé de trajectoire sans le savoir. Pendant des millénaires, l'humanité avait vécu dans un équilibre fragile avec son environnement, non par sagesse, mais par limite physique. Les muscles, le vent, le bois et le feu fixaient les bornes. La Terre absorbait les dégâts parce qu'ils étaient lents, locaux et réversibles. Puis l'énergie fossile, accumulée pendant des centaines de millions d'années, a été libérée en quelques siècles, et la vitesse est devenue la règle. Le charbon a transformé les villes et le travail. Le pétrole a accéléré les transports et la production, et l'illusion d'une planète infinie s'est installée. En brûlant charbon, pétrole et gaz, l'humanité a relâché dans l'atmosphère un carbone retiré du cycle naturel depuis des âges géologiques. Invisible et inodore, il a modifié l'équilibre thermique sans bruit. Au début, rien ne semblait changer. Les saisons revenaient, les récoltes augmentaient, les villes prospéraient. Mais la machine était lancée. Les forêts ont reculé, les sols ont été épuisés, les rivières détournées et polluées. Les océans ont absorbé chaleur et carbone, devenant plus acides et moins hospitaliers. Les espèces ont commencé à disparaître, d'abord discrètement, puis massivement. La planète n'a pas réagi par une explosion soudaine, mais par une accumulation de déséquilibres. Les glaciers ont fondu, les cycles de l'eau se sont déplacés, les sécheresses se sont allongées, les pluies sont devenues plus violentes, les tempêtes plus énergétiques, les feux plus fréquents. En parallèle, la population a cru, les villes se sont étendues, la consommation a augmenté, les déchets se sont accumulés. Les plastiques ont envahi sol et océan. Les métaux lourds et pesticides ont pénétré les chaînes alimentaires, la biodiversité, trame invisible, la stabilité du vivant. C'est effiloché. Ce déclin n'est pas l'œuvre d'un seul pays ni d'une seule génération. Il résulte d'un système global fondé sur l'extraction, la croissance continue et la vitesse. Les coûts différés ont été ignorés. Depuis quelques décennies, les signes sont devenus impossibles à nier. Records climatiques, pertes agricoles, pénurie d'eau, migration, tension sociale. La planète ne punit pas, elle répond. Si l'atmosphère change, le climat change, si les habitats disparaissent, les espèces disparaissent. La Terre suit les lois de la physique et du vivant. L'ironie est que la compréhension scientifique n'a jamais été aussi grande au moment où l'impact destructeur est maximal. Nous savons, nous mesurons, mais nous avançons lentement, freinés par l'inertie et une biologie peu adaptée aux horizons longs. Le déclin est progressif et systémique, une perte de résilience. La Terre survivra sous une forme ou une autre. Ce qui est en jeu, c'est la stabilité du monde qui a permis les civilisations humaines. 3 siècles ont suffi pour perturber des équilibres vieux de millions d'années. À partir de maintenant, plusieurs futurs sont possibles. Le premier est l'inertie des corrections marginales, une adaptation permanente, un monde plus instable et inégal. Le second est la rupture, des seuils dépassés, des systèmes humains qui n'arrivent plus à suivre, un déclin accéléré. Il existe aussi un futur de transformation lente, où l'énergie change de source, les systèmes alimentaires se diversifient, les villes s'adaptent et certains équilibres se stabilisent. Aucun futur n'est idyllique, mais certains évitent les pires dérives. Quel que soit le scénario, la stabilité récente ne peut plus être tenue pour acquise. L'environnement redevient un acteur central de l'histoire humaine. Le futur ne se joue pas par une victoire ou une défaite, mais par des degrés, un degré de température, de coopération, de lucidité. La Terre continuera. Ce qui est incertain, c'est la place de l'humanité. Le déclin n'est pas une fatalité, mais un signal, celui d'une puissance qui rencontre une frontière. Si l'humanité traverse ce passage critique, elle changera de nature. La limite cessera d'être un échec, la stabilité deviendra une richesse. La technologie se fera plus discrète, tournée vers la réparation et la résilience. L'économie mesurera la durée autant que la quantité. La coopération deviendra une condition de survie. La culture allongera son rapport au temps. La mémoire des erreurs deviendra un outil collectif. Une civilisation durable apprend d'abord à se contenir avant de s'étendre. Si l'humanité disparaissait ou se réduisait fortement, la planète continuerait. Les villes se fissureraient. Les routes seraient reprises par la végétation, les rivières retrouveraient leur cours. En quelques siècles, les traces humaines s'estomperaient. En quelques millénaires, elles deviendraient rares. Les forêts et les animaux recoloniseraient. Les océans retrouveraient de nouveaux équilibres. La Terre a déjà traversé des crises plus violentes et a toujours produit de la vie. Si l'humanité persiste sans se transformer, le monde deviendra plus dur, plus instable, moins tolérant aux erreurs. Il existe aussi un futur intermédiaire, un équilibre hybride où l'empreinte humaine demeure mais cesse d'être destructrice. Dans tous les cas, la planète ne juge pas, elle répond. La question est humaine, être un épisode bref ou un chapitre plus long. Peut-être que le véritable succès d'une civilisation n'est pas de transformer, mais durer et que, dans le silence de l'univers, ce sont celles qui apprennent à rester, qui traversent le temps. Il existe aussi un avenir où l'humanité ne se définit plus par la peur de ses erreurs passées, mais par sa capacité à apprendre. Dans cet avenir possible, la conscience collective progresse plus vite que la destruction, non par miracle, mais par accumulation de décisions raisonnables. Les sociétés comprennent que protéger le vivant n'est pas un sacrifice, mais une assurance. L'énergie devient propre non parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle est suffisante. Les technologies servent à réduire les pertes, à restaurer les milieux, à anticiper plutôt qu'à réparer. Les villes deviennent plus habitables, plus humaines, moins bruyantes, moins voraces. L'agriculture nourrit sans épuiser. Les océans respirent de nouveau. Les forêts cessent d'être des stocks et redeviennent des systèmes vivants. Dans ce futur, l'humanité ne devient pas sage d'un coup, mais elle devient moins aveugle. Les conflits ne disparaissent pas, mais ils cessent d'absorber toute l'énergie collective. L'éducation s'étend, la coopération devient un réflexe stratégique, et la connaissance circule plus vite que la peur. Les générations futures héritent d'un monde imparfait, mais viable, et surtout d'une mémoire claire de ce qui ne doit plus être répété. La planète n'est pas sauvée, elle est partagée. L'humanité ne domine pas la Terre, elle y trouve sa place. Et peut-être que ce simple déplacement, passer de la conquête à la cohabitation, suffit à transformer une espèce pressée en une espèce durable au fond. L'avenir de l'humanité ne se joue pas sur une invention spectaculaire, ni sur une découverte salvatrice. Il se joue sur la durée. Durer assez longtemps pour apprendre. Durer assez longtemps pour corriger. Durer assez longtemps pour transmettre autre chose que des ruines. L'histoire récente a montré à quelle vitesse une espèce peut transformer sa planète, mais elle montre aussi qu'une espèce capable de comprendre ses erreurs possède un pouvoir plus rare que la force, celui de l'ajustement. L'humanité n'est ni condamnée ni sauvée d'avance, elle est placée devant un choix permanent, répété chaque génération entre l'emballement et la maîtrise. Si elle choisit la maîtrise, même imparfaite, même incomplète, elle devient une exception précieuse dans l'histoire du vivant, une intelligence qui ne se contente pas d'exister, mais qui apprend à cohabiter avec ce qui la dépasse. Elle accepte que tout ne lui appartienne pas, que tout ne soit pas exploitable, que certaines limites soient des fondations plutôt que des murs. Dans ce cas, le futur n'est pas radieux, mais il est habitable, et cela suffit. Peut-être qu'un jour, très loin dans le temps, si quelqu'un regarde en arrière, il ne verra pas cette période comme celle du déclin, mais comme celle du passage, le moment fragile où une espèce a compris qu'elle devait ralentir pour continuer. Et peut-être que le véritable progrès n'est pas d'aller toujours plus loin, mais de rester assez longtemps pour que la conscience ait le temps de mûrir. L'ADN n'est pas apparu d'un coup, ni comme une invention miraculeuse. Il est le résultat final d'un long chemin chimique qui commence avant la vie elle-même. Au départ, il faut comprendre une chose essentielle. L'ADN n'est pas la première molécule de la vie. Avant l'ADN, il y a eu la chimie. Il y a environ 4,5 milliards d'années, la Terre se forme. Pendant les premières centaines de millions d'années, la planète est chaude, instable, bombardée par des météorites. Mais elle possède déjà les éléments clés. Carbone, hydrogène, oxygène, azote, phosphore, eau. Ces éléments sont communs dans l'univers. Rien d'exotique. Entre 4,2 et 4,0 milliards d'années, la Terre se refroidit suffisamment pour que l'eau liquide soit stable. Dans les océans, les lacs, les sources chaudes, les cheminées hydrothermales, la chimie devient active. Des molécules organiques simples se forment spontanément. On en trouve encore aujourd'hui dans les météorites, ce qui prouve que cette chimie n'est pas propre à la Terre. À partir de ces molécules simples apparaissent des chaînes plus complexes, capables de stocker de l'information et d'interagir avec leur environnement. À ce stade, il n'y a pas encore de vie, mais il y a déjà une prévie chimique. C'est là qu'entre en scène une molécule clé, l'ARN. L'hypothèse la plus solide aujourd'hui est celle du monde à ARN. L'ARN est plus simple que l'ADN et possède une propriété fondamentale. Il peut stocker de l'information et agir comme catalyseur, c'est-à-dire provoquer des réactions chimiques. Autrement dit, l'ARN peut à la fois jouer le rôle de plan et d'outil. Entre 4,0 et 3,8 milliards d'années, des systèmes basés sur l'ARN apparaissent. Ils ne sont pas encore des cellules, mais ils peuvent se copier imparfaitement. Et dès qu'il y a copie imparfaite, il y a sélection. C'est le début de l'évolution. L'ADN apparaît après. Pourquoi ? Parce que l'ADN est beaucoup plus stable que l'ARN. Une fois que les systèmes deviennent plus complexes, il devient avantageux de stocker l'information génétique dans une molécule plus robuste. L'ADN devient alors une sorte de bibliothèque durable, pendant que l'ARN reste l'intermédiaire actif. On estime que l'ADN est en place au plus tard vers 3,8 milliards d'années, car les plus anciennes traces de vie cellulaire connues utilisent déjà de l'ADN. À partir de là, toute la vie terrestre repose sur le même code génétique, preuve qu'il n'y a probablement eu qu'une seule origine commune. Depuis ce moment, l'ADN n'a jamais cessé d'exister sur Terre. Il a traversé des extinctions massives, des glaciations globales, des impacts d'astéroïdes, des bouleversements climatiques majeurs. Et il est toujours là, quasiment inchangé dans sa structure, depuis près de 4 milliards d'années. Ce point est fondamental. La structure de l'ADN est plus ancienne que les continents actuels, plus ancienne que la plupart des montagnes, plus ancienne que les océans tels que nous les connaissons. En résumé, de façon simple et vraie, l'ADN vient de la chimie naturelle de l'univers. Il apparaît après l'ARN. Il existe sur Terre depuis environ 3,8 à 4 milliards d'années. Il n'est pas apparu par hasard instantané, mais par accumulation, sélection et stabilisation. Il est l'une des structures les plus anciennes encore actives sur notre planète. L'ADN n'est pas un miracle tombé du ciel, c'est une mémoire lente née de la matière. L'ADN ne vient pas d'une invention soudaine ni d'un événement exceptionnel. Il vient de la chimie naturelle de l'univers. Bien avant la vie, bien avant les cellules, la matière possédait déjà les éléments nécessaires, carbone, hydrogène, oxygène, azote, phosphore, eau. Ces éléments sont parmi les plus communs dans les étoiles, les nuages interstellaires, les comètes et les planètes. Lorsque la Terre s'est formée il y a environ 4 milliards 500 millions d'années, elle a hérité de cette chimie universelle. Après une période chaotique, la planète s'est suffisamment refroidie pour que l'eau liquide soit stable. À ce moment-là, la chimie est devenue active, non pas organisée, mais capable de produire des molécules organiques complexes. Avant l'ADN, il y a eu l'ARN, c'est un point fondamental. L'ARN est plus simple que l'ADN et possède une propriété unique. Il peut à la fois stocker de l'information et agir directement sur la chimie, en accélérant des réactions. Cela signifie qu'il peut être à la fois mémoire et outil. Dans les océans primitifs, dans les sources chaudes, dans les environnements riches en énergie, des systèmes basés sur l'ARN ont pu apparaître. Ils n'étaient pas vivants au sens moderne, mais ils pouvaient se copier imparfaitement. Et dès qu'il y a copie imparfaite, il y a sélection. C'est là que commence réellement l'évolution. L'ADN apparaît plus tard, lorsque les systèmes deviennent suffisamment complexes pour avoir besoin d'une mémoire plus stable. L'ADN est chimiquement plus robuste que l'ARN. Il se dégrade moins facilement. Il est mieux adapté au stockage à long terme de l'information génétique. À partir de ce moment, une division du travail s'installe. L'ADN conserve l'information. L'ARN la transmet et l'exécute. Cette architecture est si efficace qu'elle s'est imposée une seule fois et n'a jamais été remplacée. C'est pour cette raison que l'ADN est le même chez une bactérie, un arbre, une baleine et un humain. Le code génétique est quasiment universel. Les mêmes quatre bases, les mêmes règles, les mêmes mécanismes fondamentaux. Cela signifie que toute la vie terrestre descend d'un ancêtre commun très ancien. Non pas parce qu'il était parfait, parce qu'il était suffisamment stable pour survivre. Depuis environ 3 milliards 800 millions d'années, l'ADN se copie, se modifie, se diversifie, mais sa structure de base n'a jamais changé. C'est l'un des objets les plus anciens encore actifs sur Terre. Cette universalité nous apprend autre chose. Elle suggère que la vie n'a probablement émergé qu'une seule fois sur Terre, ou que si elle est apparue plusieurs fois, une seule lignée a survécu. Cela montre à quel point les premières étapes sont fragiles, mais aussi à quel point, une fois stabilisée, la vie devient résistante. La question suivante est naturelle. Si l'ADN est né de la chimie, pourrait-il exister ailleurs dans l'univers? La réponse la plus honnête est oui, probablement. Les briques de l'ADN sont universelles. Les lois de la chimie sont les mêmes partout. Rien dans l'ADN n'utilise un élément rare ou propre à la Terre. Si des conditions similaires existent ailleurs, eau liquide, énergie, temps, alors des molécules similaires peuvent émerger. Cela ne signifie pas que la vie ailleurs sera identique, mais il est très plausible que des systèmes basés sur des molécules proches de l'ARN et de l'ADN apparaissent ailleurs. Cependant, il est aussi possible que la vie existe sous d'autres formes. L'ADN n'est pas une obligation cosmique, c'est une solution locale extrêmement efficace. Dans d'autres environnements, d'autres chimies pourraient jouer le même rôle. Des molécules différentes pourraient stocker de l'information et se copier. Sur des mondes très froids, très chauds ou riches en solvants autres que l'eau, la vie pourrait utiliser des structures différentes. Mais même dans ces cas, les principes resteraient les mêmes. Une mémoire, une capacité de reproduction, une variation, une sélection. La forme change, la logique reste. Il est important de comprendre que la vie sans ADN n'est pas impossible, mais qu'elle serait probablement plus rare ou plus fragile. L'ADN est remarquablement bien adapté à la stabilité à long terme. C'est peut-être pour cela que, lorsqu'une forme de vie atteint un certain niveau de complexité, elle converge vers des solutions similaires, non par hasard mais par efficacité. À l'échelle du temps, l'ADN est ancien. Il est plus ancien que les forêts, plus ancien que les animaux, plus ancien que les montagnes actuelles. Il existait déjà quand la Terre n'avait pas encore d'atmosphère riche en oxygène. Il a traversé toutes les grandes extinctions. Il a survécu à des bouleversements que l'humanité aurait du mal à imaginer. Cela nous dit une chose essentielle. La vie, une fois installée, est extraordinairement tenace. Et cela nous ramène à une idée profonde. L'ADN n'est pas seulement une molécule. C'est une mémoire accumulée sur des milliards d'années. Chaque être vivant pend, lui, une chaîne ininterrompue qui remonte aux premières chimies de la planète. L'humanité n'est pas séparée de cette histoire. Elle en est un chapitre récent. Comprendre d'où vient l'ADN, ce n'est pas seulement comprendre la biologie. C'est comprendre que la vie n'est pas étrangère à l'univers. Elle est une expression lente de la matière quand les conditions le permettent. Et si elle est apparue ici si tôt, si vite, alors il est raisonnable de penser qu'elle a émergé ailleurs, sous d'autres cieux, peut-être avec les mêmes lettres, peut-être avec d'autres, mais selon la même logique fondamentale. L'ADN est la preuve que la matière peut apprendre à se souvenir. Elle a appris à se copier. La planète Terre a traversé des bouleversements bien plus violents que ceux que l'humanité provoque aujourd'hui. Elle a connu des glaciations totales, des océans brûlants, des extinctions massives, des impacts d'astéroïdes, et chaque fois la vie est revenue, différente, transformée, mais toujours présente. Ce qui change aujourd'hui, ce n'est pas la planète, c'est la vitesse à laquelle l'humain modifie son propre milieu. Dans les 50 prochaines années, le climat deviendra plus instable, les saisons moins prévisibles, les sécheresses et les inondations plus fréquentes. Certaines régions deviendront difficiles à habiter. D'autres se transformeront lentement. La Terre ne s'effondrera pas, mais nos façons de vivre seront forcées de changer. Les sociétés humaines devront apprendre à s'adapter, à déplacer des populations, à repenser l'agriculture, l'eau, l'énergie, et surtout à accepter que le confort permanent n'est plus garanti. Le corps humain, lui, ne changera presque pas biologiquement. L'évolution génétique est lente, mais l'évolution technologique est fulgurante. L'humain sera de plus en plus assisté par des machines invisibles, des systèmes intelligents, des prothèses, des médicaments précis, une médecine prédictive. Le travail physique diminuera, le travail de réflexion, de coordination et de relation prendra plus de place. La population mondiale se stabilisera, puis commencera à diminuer lentement, pendant que certaines régions vieilliront et que d'autres accueilleront des migrations climatiques massives. Sur un horizon de 100 ans, la planète aura retrouvé de nouveaux équilibres. Certaines zones autrefois densément peuplées redeviendront sauvages. Les forêts et les sols reprendront de l'espace, l'eau deviendra une richesse centrale, et les sociétés humaines qui survivront seront celles qui auront compris qu'on ne domine pas la Terre, on négocie avec elle. L'humain de demain sera toujours humain, mais augmenté par ses outils, sa mémoire, sa perception, sa capacité à comprendre les systèmes complexes. La planète continuera avec ou sans nous, mais l'humanité, elle, apprendra enfin qu'elle dépend du vivant. L'humain a longtemps cru qu'il était le sommet de la création, le centre de tout, le propriétaire de la Terre. Cette illusion a été utile pour bâtir, conquérir, transformer, mais elle atteint aujourd'hui ses limites. La planète n'est pas un décor. Elle est un organisme immense, lent, patient et indifférent à nos certitudes. Chaque espèce qui a cru être éternelle a fini par disparaître ou se transformer. L'humain n'échappera pas à cette règle, mais il a une particularité unique, il est conscient de sa propre fragilité. Cette conscience peut devenir sa plus grande force ou sa plus grande faiblesse. La technologie n'est ni bonne ni mauvaise, elle amplifie simplement ce que nous sommes déjà. Si nous sommes impatients, elle accélère la destruction. Si nous sommes lucides, elle permet l'équilibre. Le futur ne sera pas un âge d'or ni un enfer total. Il sera un passage, une transition, une mue. Moins d'arrogance, plus de limites, moins de certitude, plus d'écoute. L'humain apprendra que survivre ne veut pas dire gagner, mais durer. Que vivre ne veut pas dire consommer, mais appartenir. La planète ne nous demande pas de la sauver. Elle nous demande de comprendre notre place. Ta génération est née dans un monde encore lent, encore simple, encore solide. Tu as vu l'électricité devenir normale, l'automobile devenir banale, la télévision entrer dans les maisons, puis l'ordinateur, puis le téléphone intelligent, puis l'intelligence artificielle. En une seule vie humaine, le monde a changé plus vite que pendant des millénaires. Tu as connu un temps où on réparait, où on attendait, où on transmettait, où les liens familiaux étaient serrés, où la nature était présente dans le quotidien. Tu as vu ensuite la vitesse, la performance, la rentabilité remplacer la patience, la relation et la durée. Ta génération est un pont, la dernière à avoir connu le monde d'avant, et la première à voir clairement que quelque chose se dérègle. Ce regard-là est précieux. Il n'appartient pas aux jeunes qui n'ont connu que l'écran, ni aux décideurs pressés, mais à ceux qui ont vu la trajectoire complète. Ce que tu portes, ce n'est pas de la nostalgie, c'est de la mémoire. Et la mémoire est essentielle pour éviter de répéter les mêmes erreurs. Ton expérience dit une chose simple. Le progrès sans sagesse fatigue le monde, et un monde fatigué finit toujours par répondre. Et pourtant, malgré l'immensité de l'univers, malgré les milliards d'années, malgré les crises, les erreurs, les excès et les détours, quelque chose continue. Depuis la première étincelle née dans les étoiles jusqu'à la première cellule vivante. Depuis l'ADN fragile jusqu'à la pensée consciente. La vie n'a jamais cessé d'avancer lentement, patiemment, obstinément. L'ADN n'a pas de plan grandiose. Il ne promet pas le bonheur. Il ne vise pas la perfection. Il cherche seulement à durer, à transmettre, à recommencer. Et c'est peut-être là sa plus grande sagesse. À travers chaque génération, il apprend, il ajuste, il corrige, il essaie encore. L'humain fait partie de ce mouvement, ni au début, ni à la fin. mais exactement là où il doit être. La planète, elle, continue de tourner, fidèle à sa trajectoire, indifférente aux peurs humaines, mais généreuse envers la vie. Elle offre encore de l'eau, de la terre, de l'air, des saisons, des renaissances. Même après les tempêtes, même après les blessures, elle reverdit, elle rééquilibre, elle recommence. La terre ne garde pas rancune. Elle attend simplement que l'on comprenne. Et l'humain, malgré ses contradictions, malgré sa violence et ses erreurs, porte aussi quelque chose de rare dans l'univers connu, la capacité de se souvenir, de réfléchir, de transmettre, d'aimer, de raconter. Il est la matière devenue consciente d'elle-même, l'univers capable de se regarder vivre, une poussière d'étoiles qui se souvient de son origine. L'avenir n'est pas écrit, et c'est une chance. Il n'est ni sombre ni parfait, il est ouvert. Tant qu'il y aura des humains pour raconter, pour réparer, pour transmettre, pour tendre la main, la chaîne ne sera pas rompue. La vie continuera de circuler, sous d'autres formes peut-être, mais toujours fidèle à son élan premier. Et au bout de ce long chemin, il restera une vérité simple. Nous ne sommes pas séparés de l'univers, nous en sommes une expression. Nous ne sommes pas étrangers à la planète, nous sommes l'une de ses voies. Nous ne sommes pas au-dessus de la vie, nous sommes dedans. Et tant qu'un être vivant lèvera les yeux vers le ciel en se demandant d'où il vient. Tant qu'un enfant écoutera une histoire, tant qu'un humain prendra soin d'un autre, l'univers aura trouvé, pour un instant encore, une façon de se continuer. À 100 ans, en l'an 2125, un humain ne sera plus automatiquement perçu comme un vieillard fragile. Beaucoup marcheront encore seuls, vivront chez eux, réfléchiront clairement, participeront à la vie sociale, mais à un rythme plus lent. Le corps aura changé, bien sûr, mais il sera soutenu en permanence par une médecine discrète, préventive, presque silencieuse. Les douleurs chroniques seront mieux contrôlées, la vue et l'ouïe souvent assistées, la mobilité entretenue par des technologies simples et intégrées. La journée commencera sans urgence. Le sommeil sera surveillé, ajusté et respecté. L'alimentation sera personnalisée, non pas stricte, mais adaptée à l'organisme précis de chacun. Les médicaments seront rares, ciblés, souvent temporaires. L'humain de 100 ans ne cherchera plus à performer, mais à durer confortablement, lucidement, dignement. Le lien social sera essentiel à la santé. Les personnes très âgées ne seront plus mises à l'écart, car leur mémoire, leur expérience et leur recul seront reconnus comme une richesse. Elles raconteront, transmettront, conseilleront. Le temps long redeviendra une valeur. La vieillesse ne sera plus vécue comme une défaite, mais comme une phase différente de la vie, moins rapide, mais plus profonde.